Péché. On essuie même pas la lunette des chiottes. On pleuve tout le monde et joue de la flûte mieux qu'à la PlayStation. C'est chum, le faux s'impose et face le vrai. Je me planque ma chaise, sois pas confortable et j'ose même pas me lever. J'avais pas compris que les malheurs, c'est pas forcément pour plus tard que rien ne s'arrangerait. Le cul vissé à mon plumard, j'ai plus mal. La vie de ma mère, on s'habitue. Un peu trop facilement, on se réfugie dans la biture. Je dis pas que j'ai la vie dure, mais j'en vis facilement. On sature quand ça dure, là où le facile manque. Ça panique dans le brouillard, à croire que tout les gêne. Je suis de putain de matou noir, je braille ma rage sous l'échelle. Me saoule pas pour des gemmes, garde-les pour tes chiennes. J'avouerai pas mes larmes, mais je pourrais crever pour les siennes. Je prends du plaisir et je t'avoue que c'est super rare. Bisous, je pars au bon char, t'abats dans un tupperware.